Chapitre 5. Ainsi, c'est lui le coupable, c'est lui, c'est lui. Se disait le juge en commençant d'exécuter le programme de promenade qu'il venait d'énoncer. Plus de doute possible, comme il a tremblé quand il m'a vu, et quand je lui ai nommé Moreuil, comme son visage a changé. C'est tout de même la preuve qu'il reste l'enfant sensible que j'ai connu. Sa faute est un accident, Paco t'a raison. Il y a dans sa vie une troublante, laquelle? Le jeu, l'amour, quoi que ce soit, comment n'a-t-il pas avoué tout de suite? C'était si simple. Mais non, monsieur Pingré, ce n'était pas simple. Je viens de le constater par Moreuil, l'aveu impulsif, ça ne compte pas. C'est l'aveu voulu qui a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il se raccorde à tout le caractère. C'est aussi cet aveu-là qui efface la faute. Il trouve le repentir. Edmond va-t-il se repentir? En m'en allant comme je l'ai fait. Je lui facilite son retour à Rion, auprès de son père. Il m'a vu partir pour Tournoël, il n'aura pas peur de me rencontrer. Son père? Ça lui sera dur de parler à son père. Ils ne se sont jamais très bien entendus, au lieu qu'avec moi. Ah, si c'était mon fils. Alors il n'aurait jamais commis cette action-là. Je l'aurais suivi de tout près. Quantelme, lui, c'est l'homme des idées toutes faites sur les gens, et puis qui ne les regarde plus. Mon fils, je le connais. Combien de fois il m'a rembarré avec cette phrase, quand je n'étais pas de son avis sur Edmond. Tout de même, c'est un si brave cœur et qui ne méritait pas ce chagrin. Quelle heure est-il? 3h30. Si Edmond avait sa bicyclette, il irait peut-être à Rion. Mais l'avait-il? J'aurais dû vérifier cela. Je ne pensais qu'à l'étudier lui. Vous avez eu tort, monsieur Pingré. Un bon juge d'instruction a l'œil à tout. Triste et spéculatif, tantôt ramassant une pierre, tantôt mâchonnant une herbe, l'excellent homme allait devant lui dans ce paysage dont il connaissait si bien, et les lignes visibles et les dessous. Non, il n'avait pas l'œil à tout, le pauvre juge. Le puits de la Bannière, celui de la Nugère, celui de la Louchardière, celui de Jume sur Gilaba n'intéressaient plus, durant cette longue promenade, le parrain d'Edmond. Uniquement fixé sur cette question, a-t-il parlé à son père? Et il ne se hâtait pas de revenir, obéissant à cette loi singulière de certaines anxiétés qui veut que nous reculions la minute où nous saurons. C'était comme s'il eût, par son absence, donné un peu plus de temps à son filleul pour ce revirement de conscience. Il était 6h et la nuit tombait quand il fit tourner la clé dans la serrure de son appartement. C'était son habitude de rentrer ainsi sans bruit, et nul accueil ne lui plaisait mieux que celui de son vestibule désert, où une grande vitrine prolongeait son musée de minéraux auvergnats. D'un pas lassé, il se dirigea vers son cabinet de travail. Debout devant la fenêtre, son buste mince détaché sur le tulle à fleur des rideaux, Edmond Cantelme l'attendait. Le juge sursauta de le reconnaître, et l'émotion de cet instant alla rouvrir en lui la plus profonde source de tendresse. « C'est moi, parrain, » dit simplement Edmond d'une voix étouffée. « Eh bien, mon enfant, » répondit Pingré qui n'acheva pas sa phrase. Sa voix lui manquait aussi. Il se mit à chercher des allumettes, en répétant pour s'affermir. « On n'y voit plus. Pourquoi n'as-tu pas demandé une lampe ?»« Non, parrain, pas de lumière, » reprit le jeune homme. « Pas de lumière. Écoute-moi d'abord. J'ai quelque chose à te dire. » Et après un silence, « quelque chose de très lourd. Les 2 billets de 1000 francs qui ont disparu de chez mon père, c'est moi qui les ai volés. Je viens de les déposer sur son bureau bien en vue dans une enveloppe. Alors qu'il est, il les a retrouvés, il va retirer sa plainte. Mais je n'ai rien écrit sur l'enveloppe, rien mis dans l'enveloppe que les billets. Il va retirer sa plainte, mais il pourrait garder un soupçon sur Gervais Moreuil. Toi aussi, peut-être, tu l'aurais gardé si je ne m'étais pas dénoncé. Et sur un geste dubitatif de Pingré, « Tu vois, pauvre Moreuil, il faut que papa sache également la vérité. Il le faut pour l'honneur de ce garçon, pour son avenir. » Et d'un accent ferme cette fois, « pour mon honneur aussi. C'est le seul moyen de réparer le tort que je lui ai fait. Mes parrains, il y a une épreuve que je n'aurai pas la force de supporter. Une explication avec mon père. C'est toi qui lui diras ce qui est, parrain. Je te le demande, je t'en supplie. » Il joignait ses mains dans un geste de désespoir que le juge arrêta en l'attirant près de lui. « Oh, mon parrain, que tu es bon. Tu me comprends, toi. Tu diras, père, que je suis prêt à tout pour acheter, mais S'il ne veut pas que je m'en aille de chez lui, qu'il ne me parle pas. Encore, ma mère, ce serait bien dur. Mais elle m'aime tant. Papa aussi m'aime. Je le sais. Je le sais. » Insista-t-il. « Seulement, enfin, s'il me parle, il me dira des mots qui me font m'en aller de chez nous. Ah, parrain, promets que tu obtiendras cela de lui, qu'il ne me parle pas. Si tu m'aimes, promets, promets. Assieds-toi, » dit Pingré qui tremblait aussi. Par-dessous le drame des remords du jeune homme, il en apercevait un autre, une de ces tragédies latentes comme la vie de famille en comporte trop souvent, l'irréductible et douloureux malentendu de deux êtres du même sang et qui ne se sont jamais montrés l'un à l'autre dans leur vérité. Il avait souri bien des fois, à part lui, des jugements portés par Cantelme sur son fils, en essayant un peu de les redresser, avec une infinie prudence. Il se rendait trop compte que le père jalousait obscurément l'affection du filleul pour le parrain. Comme il serait étonné si Edmond lui était présenté, se disait-il souvent à lui-même, sans deviner pourtant à quel degré ce père et cet enfant étaient devenus étrangers l'un à l'autre, l'un engoncé dans son métier jusqu'à la convention, l'autre. Mais il allait savoir quelle troublante, pour parler toujours comme Pacote, avait dévié l'autre. « Oui, » insista-t-il, « assieds-toi. » Et cherchant parmi ses papiers la feuille sur laquelle le notaire avait écrit sa dénonciation, il la déchira par menus morceaux, disant au jeune homme qui le regardait étonné, « C'était la pièce accusatrice, celle que je devais remettre au procureur. Elle est détruite. Moreuil n'a plus rien à craindre. Te voilà un point de moins sur le cœur. À présent, et si tu veux que je fasse ce que tu me demandes, il faut me répondre. À Paris, tu as joué ? Jamais, mon parrain. Alors, cet argent, tu l'as pris pour une femme ? Oui. C'est elle qui t'a entraîné et qui t'a dit « Ton père est notaire, les notaires sont riches. » « Non, parrain, non, non !» interrompit l'étudiant. « Elle n'est pour rien dans tout cela. »« Pour rien. Pour tout, voyons. Elle t'a demandé de l'argent. »« Non, mon parrain. Mais, puisque tu avoues que tu as volé pour elle, encore une fois, ne mens pas, sinon... » Réponds, tu ne vis pas seul à Paris ?»« Si, mon parrain. Oh, c'est une histoire bien simple, mais qui m'a fait déjà tant souffrir. Mon ami est rétabli. Je l'ai rencontré au théâtre. Je lui ai parlé. Elle est modiste. Je l'ai revue. J'en suis devenu amoureux. » De son côté, je crois qu'elle m'aime. Malheureusement, elle est coquette, elle est courtisée. Elle est ambitieuse aussi. Il y a quelqu'un de plus riche que moi qui s'occupe d'elle. Jusqu'ici, elle s'est défendue. Mais elle a, pour cette fin de mois, une grosse échéance. De 2000 francs exactement. J'ai eu peur, quand je reviendrai, qu'elle ne me dise « On s'aime bien tous les deux, mon petit, mais il y a la vie. » Depuis mon départ pour les vacances, je ne pense qu'à ça. Comment l'aider pour empêcher ce qui me désespère ? 20 fois, parrain, j'étais sur le point de tout te raconter, de te les emprunter, ces 2000 francs. Et puis j'ai reculé, j'ai pensé, il dira tout à mon père, et on m'empêchera de retourner à Paris. J'étais dans le jardin, l'autre après-midi, à me ronger le cœur. À ce moment, je passe devant la fenêtre du cabinet de papa. Elle était entr'ouverte, la pièce vide, les clés sur le tiroir. Alors, il s'arrêta. La honte de ce souvenir était trop proche. Alors, dit le juge, tu as couru chercher une des chaises de bois du kiosque pour te hausser jusqu'à l'appui. C'est pour cela qu'en me voyant aller venir de ce kiosque à cette fenêtre, tu as eu peur. Et même dans le mouvement de pitié qui lui secouait le cœur, il éprouvait une toute petite satisfaction de métier à constater la justesse de sa construction de détective. Et sur un geste d'assentiment du jeune homme, « Tout cela, continua-t-il, c'est du passé et qu'il s'agit d'effacer, comme tu dis. » Il marcha quelque temps dans la chambre, puis... s'arrêtant devant le fauteuil où Edmond était assis, solennellement. « Je ferai ce que tu me demandes. Oui, j'obtiendrai de ton père qu'il ne te parle jamais de ton égarement. Mais tu vas écrire une lettre sous ma dictée et me jurer sur l'honneur, sur ton honneur retrouvé, que tu te conduiras comme il sera dit dans cette lettre. Ce sera pour moi la preuve, la seule preuve, et je n'en admets pas d'autre, tu écoutes, que tu te repens véritablement. Quand je te l'aurai dictée cette lettre, si tu trouves cet engagement trop dur, nous la détruirons, comme la plainte tout à l'heure. » Il en montra les fragments dans la corbeille. « Mais je ne me mêle plus de rien. Je fais mon devoir en prévenant ton père et tu t'arranges avec lui. » « Dicté, parrain, » fit le jeune homme en prenant une feuille dans le casier à papier d'un geste décidé. « Vous avez ma parole. »« Comment s'appelle cette femme ?» dit le juge. « Charlotte Dardenne. Écris, Mademoiselle d'Ardenne. Mais, interrogea Edmond dont la plume resta suspendue. Mademoiselle d'Ardenne, répéta le parrain d'une voix si impérative que le filleul obéit cette fois. Vous trouverez ci inclus les 2 billets de 1 000 francs qui vous sont nécessaires pour les chances dont vous m'avez parlé. Je vous les envoie par pli recommandé et avec un accusé de réception. Ne prenez pas la peine de me répondre. Mon père a décidé de me garder dans son étude pour remplacer un de ses clercs qui lui fait défaut. Je ne retournerai donc pas à Paris. Je vous prie de recevoir mes meilleurs compliments. Signe. Maintenant l'adresse. Voilà une enveloppe. La plume du coupable demeura de nouveau suspendue. Je déchire la lettre ? Demanda le juge en étendant la main pour prendre la feuille. Non, parrain, dit le jeune homme, et d'une écriture redevenue ferme, il libella. Mademoiselle Charlotte d'Ardenne, modiste, 37 bis, rue Saint-Placide, Paris. Je me charge de fermer la lettre et de l'envoyer, reprit Pingré, avec les billets. Tu me rendras cet argent plus tard. Relève la tête, mon ami. Tu es un honnête homme pour toute ta vie. Tu vas rentrer chez toi. Tu dîneras comme si de rien n'était. Je verrai ton père ce soir après le dîner. Soit qu'il vienne ici, comme c'est probable, m'annoncer la restitution de l'argent disparu, soit que j'aille chez vous. Je saurai lui dire les mots qui l'empêcheront de te parler. Il t'aime à sa façon, qui n'est pas toujours à droite, mais il t'aime profondément, paternellement. Et il te le prouvera en se taisant. Et Moreuil, fit le jeune homme. Ton père ne peut pas le reprendre. Il ne faut pas que vous vous trouviez en face l'un de l'autre. Tu serais trop peiné. Mais nous le placerons. Allons, adieu, mon enfant. Ne nous attendrissons pas, ce n'est pas sain, et c'est de santé que tu as besoin. Il leva la lettre, pour ne pas faiblir. Je ne faiblirai pas, dit Edmond. Ça m'a fait trop de bien d'être délivré, d'avoir avoué, et il est délivré, songeait Pingré, demeuré seul. L'autre aussi avait avoué, et cet aveu l'accablait. Si je l'écrivais, ce mémoire, sur le témoignage dont je parlais à Pacotte, ce serait un point à marquer. L'état mental ou l'aveu laisse celui qui l'a fait, délivré. Le pauvre petit lait de son remords et de cette femme, parce qu'il l'associera désormais à ce remords. Mais je l'écrirai, ce mémoire, je dois l'écrire. Comment n'en ai-je pas eu l'idée plus tôt? Et puis, si je l'écris, Pacotte ne pensera plus que je ne suis venu chez lui que pour l'affaire Moreuil. Il ne faut pas qu'il soupçonne jamais rien autour de cette affaire. J'écrirai le mémoire. Allons, monsieur Pingré, vous n'avez pas perdu votre journée. Ainsi s'achèvent les 2 aveux par Paul Bourget.